Et l'autre, il y a celui-là. Ah, voilà Sly. C'est, allez. Après, il y a Sly, alors ça, c'est la terreur de la crise. Monsieur Sly. Ça, c'est le cauchemar. Pas d'animaux, hein, notre énorme. Non, mais ce qui est vrai. Animaux en fait, interdits. Et enfants aussi. Ils comprennent non, les codes? Non, pas encore. Non, non, non, pas du tout. Moi, j'ai le seul chat qui rentre chez tout le monde. Donc, Et qui embête tout le monde. Il y en a un qui est. Qui, non, y en a il n'a cassé qu'une fois. Non, il rentre chez tout le monde. Donc, il n'a rien compris. Il en a fait tout le monde. Il n'a rien. Comment pour lui faire participer à la réunion de copropriété. J'aimerais bien. Mais ce que tu vas faire, t'en mets un coup de pas. Alors, un jour, je vais me mettre en plein milieu, là, et je me fête pour mon chat. C'est dur, c'est la tête. Mais je crois qu'il va venir ici. C'est moi, j'ai décidé que ça. Là? Ouais, c'est son coin, là, ouais. Ouais. Ben, c'est peut-être elle. Non, non, non, non. Bah, il fait aussi chez Nadine. Tu ne l'as pas vu? Ah non, c'est peut-être, ouais. C'est peut-être elle. Non, non, parce non, que je te jure que elle que m'avait dit qu'elle avait trouvé, qu'elle avait vu elle faire caca. C'est éclair, ah, Véro. Non, pas Véro, celle qu'il y avait avant. Ah, Brice, celle qu'il y avait avant. Oui, comment ça s'appelait? Qui était sympa. Et du coup, je disais, mon chat, il va chez tout le monde, il dormait sur son lit et tout. Ça va être un cauchemar, tout le monde. Et elle me dit, je sais plus, elle me dit, il a fait caca. J'ai trouvé caca. En négoce, ils m'ont dit, on a trouvé le caca. Je dis, oh putain, ça fait caca, l'horreur. Et en fait, elle m'a dit, non, c'est l'autre, je l'ai vu. Bah, c'est un des deux. Hein. Ah, mais là, vous n'avez aucune preuve que ça. Ah, bah non, moi, je veux une photo. C'est pour ça que je veux une photo. Mais il y en a un qui fait là. Et qui fait chez Nadine. Il a fait caca chez Nadine. Mais le problème, c'est qu'il déterre toutes ses plantes. Mais c'est pour ça qu'elle a mis du répulsif. Ça a marché? Je sais pas, je vais pas redemander. Mais ça pue la dernière fois et elle a mis du répulsif. Mais Chirac, lui, non, laissons la justice. Voilà, la terreur. Non, mais c'est vrai, en plus, parce que bon, il est relativement cool. Mais parce que sinon, il faut pas d'animaux, quoi. C'est embêtant pour tout le monde. Bon, elle a l'air d'être personne. Elle est peureuse, quoi. Mais cela dit, quand il n'y a personne, elle balade. On sait pas ce qu'elle fait. Bah oui, aussi. On sait pas ce qu'elle fait. Heureusement qu'elle a vu. De toute façon, les chats aiment bien faire dans la terre. Ouais, mais ça craint quand même. Parce que. Bon, on va pas rentrer dans les détails d'engrais. Mais le caca, ça va, mais le pipi, non. Bah écoute, ça sent pas. On a de la chance. Ouais. Donc c'est peut-être que caca. Mais chez Nadine, ça sentait. Parce que je crois qu'il a. Ils avaient fait sur le tapis. Je pense le tapis, parce qu'il n'y a que ça, la terre, ça sent pas le pipi dans la terre. Non, mais là, elle a tout nettoyé, elle avait mis du répulsif. Son. Bah, voilà, oui, pas... moi souvent quand je parle à donc des du gens, coup, ils disent, apparemment, ah, mais bon, ainsi, oui, mais je sais pas laquelle j'ai jamais. Vachement bien que bon, non, mais je dis bah oui. Véro en et plus, moi. En plus, bon, il y a un vrai truc dont on n'a pas parlé, c'est que Sophie parfois elle peut aller chercher Léo à l'école. Ah oui, non, aller ça c'est extraordinaire. Bianca, ça, ouais. Ah, vous en avez pas parlé. C'est ça, c'est extraordinaire. Non, parce que c'était sur le lieu de vie, ils sont dans la même école, Robinson, Bianca et Léo, même âge, même école. Il y a les services qu'on peut se rendre tous les trois, même classe, soit même section. Léo et Bianca, même classe. Voilà, ouais. Donc les services qu'on peut se rendre à ce niveau-là, c'est ça, incroyable. C'est incroyable, hein, ça change incroyable. La vie. Hein. Ah ouais. Donc, d'acheter des trucs pour lui. Ah ouais, de faire les courses. Ah oui, oui, bah oui. Nous aussi, on fait un peu ça. Ouais, je vais faire les courses. Passe, on se jette la poubelle aussi. Moi, je lui jette la poubelle. Je vais au marché. Est-ce que tu as besoin de voilà, quelque c'est chose ça. Je suis chez le boucher. Est-ce que tu as besoin oui, de quelque exact, chose oui, l'autre fois, j'ai pris les asperges. Voilà. Bon, on fait pas les courses. Non, du pas mois, les courses, quoi. Mais ce qui non, manque. Non, ça arrive. Qui manque un non, s'il y a. Ouais, ouais, quand on passe. C'est-à-dire que le fait que les portes soient vitrées, le fait qu'il y ait des terrasses et tout, bon bien sûr, quand chacun est chez soi en haut, bon ben les portes sont fermées quoi. Donc vraiment avoir une démarche pour aller se lever chez l'autre quoi. On fait pas trop ça. Moi on fait attention quand c'est fermé. On s'était, la première fois où on s'est vraiment parlé, c'est quand le chat est venu péter des c'était au tout début. Tout en fait, début. Hein. Le chat est venu péter des tasses d'un café. Moi je suis sorti en cachant, on dit mais. On a eu vachement peur et tout, puis j'étais, ça se voyait que. Ouais, il était tout blanc. On était flippés quand on a entendu un bruit, un fracas énorme dans l'appart, on savait pas ce que c'était. Elle m'a dit, on va arranger ça, on va arranger ça. Puis une deuxième fois où j'ai parlé avec Hervé, il a mis un super disque dans le. Ouais. Dans l'appart, je suis rentré, carrément, même sans sonner ni sans rien dire, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que t'écoutes, ça a l'air super et tout. Et c'est marrant, c'est comme ça qu'on a vu qu'on avait les mêmes goûts. En grande partie les mêmes goûts musicaux quoi. Donc c'est sûr que dans un appart normal, ça n'existe pas ça. Quoi non, non, quand maman, tu vas tuer maman. Non mais j'ai l'impression qu'à Paris, ça c'est un peu même. Léo, ça c'est un petit peu décontracté.